Toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. C'est la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir avec, aujourd'hui, Philippe Devilliers. En 2004, l'Académie des sciences morales et politiques a consacré, sous la présidence de Michel Albert, 32 séances à l'étude de l'Europe sous tous ses aspects. Ce sont ces séances, enregistrées par France Culture, que nous vous proposons d'écouter le matin. Ces conférences sont publiées par les presses universitaires de France. On les trouve en librairie depuis mai 2005 sous le titre « Regards croisés sur l'Europe ». D'abord directeur du cabinet du préfet de la Charente-Maritime, Philippe Devilliers devient sous-préfet de Vendôme. Il démissionne en 1981 quand François Mitterrand entre à l'Élysée. Mais sa véritable carrière commence en 1986 quand il est nommé secrétaire d'État à la culture et à la communication. Un an plus tard, il est élu député de la Vendée et sera toujours réélu. Philippe Devilliers a créé son propre parti politique en 1994, le Mouvement pour la France. Il a concrétisé son attachement à la Vendée en créant le spectacle du Puy du Fou et le Grand Parc en 1989. Il est aussi l'initiateur de la radio régionale Alouette et de l'école de communication Sciencescom à Nantes. Il est actuellement vice-président du Conseil général de la Vendée et député européen. Dans son intervention, que nous allons écouter ce matin, Philippe Devilliers ressaisit et explicite ses thèses sur l'Europe. Pour lui, l'Europe telle qu'elle se met en place actuellement est la dénégation de ce qu'elle devrait être. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier honoraire, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier et vous dire à quel point je suis sensible au grand honneur que me fait votre prestigieuse académie en me recevant aujourd'hui et en ce lieu. Grand honneur rehaussé du sentiment d'avoir été délibérément choisi en tant que marque déposée plutôt que tel ou tel ancien cabri devenu soudainement catéchumène du souverainisme d'opportunité. Grand honneur, en effet, d'avoir à traiter ce sujet qui me tient à cœur et que vous m'avez proposé, l'Europe des souverainistes. On aurait pu penser à un autre titre, le monde des souverainistes. Il existe en effet une vision souverainiste du monde reposant sur la diversité, l'égalité en droit et la souveraineté des nations. Une vision de ce que pourrait être un monde en ordre pour ce 21e siècle que l'on voit déjà rouler sur des pentes fort dangereuses. Et bien entendu, À partir de cette vision globale du monde, il y a une vision de l'Europe et une vision de la France dans le monde. Merci donc à votre Académie, et en particulier à son président, M. Michel Albert, de me donner l'occasion de proposer devant vous une analyse de la pensée souverainiste. Qui sont les souverainistes? Que veulent-ils? Vous le savez, ce mot importé du Québec connaît en France une certaine vogue depuis 5 ou 6 ans, au point que l'on pourrait dire, sans grand risque de se tromper, qu'il est même un des seuls mots nouveaux et corrélativement un des seuls mouvements neufs que l'on ait vu émerger sur la scène politique française depuis bien longtemps. Il a pris place dans le grand débat qui agite la France depuis plus d'une décennie, depuis le traité de Maastricht. Mais pour important qu'il soit, le contexte européen réduit ce mot à un seul de ses aspects, la revendication du maintien de la souveraineté nationale dans le cadre de la construction européenne, alors que les questions qu'il embrasse sont beaucoup plus larges. Comme le dit Paul-Marie Couteau, qui fut le premier à le théoriser dans plusieurs ouvrages, le souverainisme n'est rien d'autre que le cœur caché de la politique de la France depuis des siècles, la défense de la souveraineté nationale et populaire, autrement dit la défense du primat du pouvoir légitime sur les pouvoirs de fait, selon la vieille dialectique où s'inscrivit toujours la politique française dans ce qu'elle a de plus constant, la défense vis-à-vis de l'extérieur, de la souveraineté de la nation, face aux hégémonies et aux empires, et à l'intérieur, l'affirmation de la souveraineté de l'État face aux féodalités de tous ordres. Ce qui, aujourd'hui, assure la paix du monde et protège la pluralité des nations, c'est précisément la souveraineté. La souveraineté est un concept juridique qui, dans l'ordre international, rend égal des puissances par nature inégales, et dans l'ordre intérieur, affirme la supériorité du droit, de la loi et finalement du bien commun, ce que Bodin appelle la res publica, contre les intérêts particuliers, les coalitions intérieures qui tentent d'accaparer l'État. On peut en déduire que le souverainisme est une double pensée de l'indépendance, indépendance de l'État-nation vis-à-vis des autres puissances extérieures, et à l'intérieur, indépendance d'un État suffisamment détaché des intérêts particuliers pour mettre en œuvre ce que commande le bien commun. La souveraineté est au centre du logiciel politique français. Le souverainisme se déploie au-dessus de toutes les idéologies et de tous les camps, notamment de la droite et de la gauche, en ce qu'il s'intéresse d'abord à la possibilité même qu'il y ait une politique, un cadre politique, la nation, et un instrument politique à son service, l'État. Ce que nous voulons aujourd'hui face à l'entrelacs des oligarchies et des pouvoirs de fait que multiplie la mondialisation, c'est précisément qu'il y ait de la politique, c'est-à-dire qu'il y ait une pensée et une action qui se réfèrent uniquement à une volonté générale, un bien commun de la nation, une res publica. En réfléchissant à l'expression « l'Europe des souverainistes », je ne puis m'empêcher de deviner ce que ce titre sous-entend en interrogation muette et dubitative. L'Europe des souverainistes ne peut être autre chose que l'Europe des souverainetés nationales. Or, l'Europe des souverainetés nationales, c'est une contradiction dans les termes, à moins qu'il ne s'agisse d'une notion si manifestement dépassée qu'on en a perdu le sens. Tel est le paradoxe aujourd'hui que chacun croit savoir ce qu'est l'Europe des fédéralistes et que chacun feint d'ignorer ce qu'est l'Europe des souverainistes. L'Europe des fédéralistes, pourtant, n'a jamais existé et n'existe toujours pas. Personne ne l'a vue ni rencontrée. De l'aveu de ses propres partisans, enveloppée certes d'un sfumato artistique, c'est une utopie qu'ils sont incapables de décrire avec un peu de précision, et dont ils n'osent assurer qu'elle verra jamais le jour. Et c'est sans doute parce qu'elle est un produit de l'imagination qu'on peut librement la parer de toutes les vertus. dussé-je surprendre quelques-uns d'entre vous, l'Europe des souverainistes est au contraire une réalité concrète et tangible. Elle a longtemps existé et existe encore, même si l'on peine à la reconnaître sous les tagages successifs qui, de traité en traité, recouvrent sa surface depuis une quinzaine d'années. L'Europe des fédéralistes donne peut-être à rêver, l'Europe des souverainistes se prête à l'analyse parce qu'elle a été expérimentée en vraie grandeur et longuement. Elle a été celle des origines et des fondements. Elle a duré pratiquement jusqu'au tournant fatidique de 1983. Ce n'est qu'à partir de cette date que les choses ont changé et que l'Europe a cessé d'être la fille des nations européennes pour devenir leur ennemi. Pendant environ un quart de siècle, il n'y a pas eu d'autre Europe que l'Europe des souverainetés nationales. L'Europe du traité de Rome est une Europe des souverainistes. Ce traité n'a reproduit en effet ni les hardiesses du traité de la CECA, ni les fatales témérités de la CED et du projet de communauté politique européenne. On n'y trouve ni haute autorité supranationale, ni abandon de souveraineté. Les architectes du marché commun ont tiré les leçons de l'expérience, comme l'avaient fait les bâtisseurs de cathédrales qui, après l'effondrement du cœur de Beauvais, ont eu la sagesse de renoncer à pousser toujours plus loin vers les nuages, la hauteur de leur voûte. Ils en sont revenus aux recettes éprouvées de la diplomatie classique. Les États ont repris les choses en main sans intention de les lâcher. Ce sont eux qui ont fixé le but, l'établissement d'une union douanière, qui ont précisé les étapes et le calendrier, eux enfin qui ont assigné leur rôle aux institutions. Avant d'être les membres d'une communauté, ils en sont les fondateurs et ils entendent bien en rester les maîtres. Le Conseil, où siège leur gouvernement, est l'unique instance habilitée à décider. Une commission composée de personnalités indépendantes a certes le monopole de proposition, mais elle propose et le Conseil dispose. La préséance du Conseil est d'autant plus inexpugnable que la Commission n'exerce ses compétences que dans les limites d'un traité qui a tranché avec soin les questions de principe et qui, s'il concerne l'économie, ne concerne que l'économie. Les États, au contraire, débordent de toutes parts la communauté qu'ils ont créée. Au Conseil, enfin, où se prennent les décisions, la règle est l'unanimité. Tel quel, ce système a duré 25 ans. Ce sont les États qui, à l'unanimité, ont refusé la grande zone de libre-échange, accéléré le calendrier de l'union douanière, adopté la politique agricole commune. Certes, la Commission, d'empiètement en usurpation, a tenté de subvertir l'ordre institutionnel du traité, mais après la crise de la chaise vide, les États l'ont remise à sa place avec ce que l'on a appelé le compromis de Luxembourg. Si l'on devait croire les pourfendeurs de la souveraineté nationale, pour qui les États sont les éternels empêcheurs, si vous me passez l'expression, d'européaniser en rond, il faudrait imaginer que cette période fut affligée de blocages permanents et frappée de stérilité absolue. Ce serait une erreur complète. Jamais l'Europe n'a été plus féconde, plus vivante, plus créative. C'est cette Europe-là qui a mis en place l'union douanière, la PAC, négocié au GATT les accords Kennedy, etc., etc. C'est cette Europe, l'Europe d'Ariane et d'Airbus, qui fut la locomotive de la croissance des échanges internationaux. Qu'il plaise ou non de s'en souvenir, l'Europe des souverainistes, ce fut l'âge d'or de la construction européenne. On voit, en tout cas, à quel point on est loin de la caricature qu'on présente volontiers de l'Europe des souverainistes, comme si celle-ci devait se résumer à une collection d'États frileux, recroquevillés sur eux-mêmes, se regardant en chien de faïence. Il est peut-être commode, quand on exècre la souveraineté nationale, particulièrement celle de son propre pays, de s'en faire un épouvantail, mais il faut savoir que cela n'a aucun rapport avec la réalité. Tâchons plutôt, avant d'aborder le futur, de surprendre le secret de cette prodigieuse réussite. Il tient en premier lieu à la clarté du dessin qui se reflète dans la langue et le style du traité de Rome. Il s'agit de bâtir un marché commun entre 6 États. Le projet paraît modeste, mais il était nettement défini. Et c'est pourquoi il put s'accomplir et au-delà. Des États responsables ne se donnent que des objectifs dont ils ont la volonté et la capacité. Et pour l'Europe, on le voit bien à l'expérience, mieux valent des promesses qu'on tient que des prétentions extravagantes qu'on ne peut soutenir. La clarté du dessin permet à la confiance de s'établir entre les participants à l'entreprise. Chacun connaît sa place. Entre les États, l'estime est réciproque et aucun ne redoute de se trouver marginalisé. Les États n'ont pas non plus à craindre que les institutions n'usurpent leur rôle. L'Union ne naît pas de l'assujettissement de tous à une discipline uniforme, mais de la libre participation de tous à un effort et à un élan commun. Bref, l'Europe des souverainetés nationales a fait la preuve, tout le temps qu'elle a fonctionné, que l'efficacité est fille de la liberté. Depuis, les choses se sont brouillées, les États sont mis en accusation. Si l'Europe n'avance pas, c'est à cause de leur égoïsme à courte vue. Il est temps qu'ils passent la main à des collèges de personnalités indépendantes, technocrates, juges ou banquiers, à qui on demandera de n'être ni élu, ni responsable. L'idée implicite de cette révolution de palais, c'est que, au fond, si l'Europe a pu s'accommoder dans ses modestes débuts de la tutelle des souverainetés nationales, elle ne peut accomplir ses glorieuses destinées qu'en s'en affranchissant. L'Europe des souverainistes a peut-être correspondu à un stade inévitable de la construction européenne, mais il faut passer désormais à un autre stade où elle n'a que faire. En d'autres termes, il faut choisir entre le progrès de l'Europe et le maintien des souverainetés nationales. D'ailleurs, les souverainistes auraient à proposer au mieux qu'un gel, voire une régression de la construction européenne, et au pire sa dissolution. Voilà l'acte d'accusation qu'on dresse contre les souverainistes. Permettez-moi de m'inscrire en faux contre lui et de présenter les arguments de la défense. Ce que je viens de dire du passé de l'Europe des souverainetés devrait en effet contribuer à éclairer les chemins de son avenir. Cela devrait, pour commencer, faire justice du procès d'intention qu'on fait souvent aux souverainistes et de façon toute gratuite. Il n'aurait au fond d'autre idée que de barricader la France et de la protéger derrière de hautes murailles. Quel souverainiste autorisé a jamais soutenu de pareilles sottises? C'est l'Europe des souverainetés nationales qui a multiplié les échanges et mis en place le marché commun. Laissons donc ce fantasme d'une France qui, sous prétexte de souverainiste, se couperait de l'Europe et du monde, alors que ce sont précisément les souverainistes qui sont aujourd'hui les ultimes défenseurs du marché commun et de la préférence européenne. Autre reproche qui serait plus grave s'il était fondé, en bloquant les progrès de l'Europe, les souverainistes compromettraient les bases de la paix et de la sécurité de notre continent. Ceux qui formulent ce reproche se trompent, ils confondent la cause et la conséquence. La construction européenne n'est pas la cause de la paix en Europe, elle en est la conséquence. Ce qui a garanti le continent du danger soviétique, c'est l'alliance américaine et la bombe atomique. L'Europe s'est faite sous le parapluie de l'OTAN. Qu'on se rassure, par conséquent, l'Europe n'a rien de bien grave à redouter, ni pour le développement de ses échanges, ni pour le maintien de la paix. Alors, faudrait-il arrêter la construction européenne à son étage économique? Nullement, mais il est vrai que les progrès de l'Europe devront emprunter de tout autre chemin que ceux qu'on lui voit prendre aujourd'hui et qui sont à la fois ceux d'une fuite en avant et d'une impasse. L'Europe des souverainistes ne se croirait pas tenue, en effet, de changer ses principes. Respect des souverainetés nationales, primat des États et règle générale de l'unanimité. Mais sa fidélité à ses principes ne l'empêcherait d'aucune façon de se doter d'un projet ambitieux. Ce projet ne serait ni celui de l'Europe espace des libre-échangistes, simple annexe du grand espace atlantique, le libre-échangisme étant le système dans lequel les pauvres des pays riches subventionnent les riches des pays pauvres, ni celui de l'Europe puissance dont rêvent les fédéralistes et qui a toute chance de se briser sur les récifs de l'opposition américaine. L'Europe est en elle-même sa propre fin si elle est terrain de parcours aux forteresses, Et dans le second cas, le cas de la forteresse, sa tour de Babel ne manquerait pas de susciter autour d'elle, à l'est de l'Europe ou au sud de la Méditerranée, des tours semblables, mais concurrentes, et tôt ou tard, ennemies. Les souverainistes auraient, quant à eux, pour ambition de faire servir l'Europe non à elle-même, mais à plus grand qu'elle, je veux dire à l'ordre du monde, à sa préservation, à sa consolidation et à son perfectionnement. L'ambassadeur Gabriel Robin résume cette voie d'avenir dans son ouvrage fondateur et tout récent, « Entre empire et nation, penser la politique étrangère ». Je le cite, « Pour une Europe des souverainetés nationales, c'est là une vocation d'autant plus naturelle que le monde n'est lui-même, qu'on le veuille ou non, qu'une grande communauté de souveraineté nationale, que c'est ainsi qu'il se comprend et s'organise quand il s'assemble, et que c'est sur le principe de la souveraineté nationale que tout son droit est fondé. Cette Europe, en tout cas, ne se trouverait pas écartelée, comme le sont aujourd'hui ses dirigeants, entre une souveraineté qu'ils exigent quand il s'agit du peuple irakien et une souveraineté qu'ils décrient quand il s'agit du peuple français. Réguler, civiliser la mondialisation, voilà ce que serait la grande ambition de cette Europe. Au lieu de mondialiser l'Europe, elle viserait à européaniser, en quelque sorte, la mondialisation. Non contente de donner l'exemple de relations internationales justes et apaisées, elle s'en ferait l'avocate et s'attacherait à en propager le modèle à l'échelle planétaire. Elle serait ainsi fidèle à la vocation qui fut la sienne dès l'origine. Tant il est vrai que pour l'Europe, comme pour la France, il n'y a qu'un ordre qui vaille, c'est l'ordre du monde. Pratiquement, cela signifierait qu'à l'OMC, par exemple, l'Europe s'emploierait à faire prévaloir des règles qui assurent la loyauté des échanges, tout en respectant les diversités légitimes, notamment les spécificités agricoles et culturelles. Entre l'Europe dont je parle et celle dont nous avons le spectacle sous les yeux, il peut y avoir des rencontres de vocabulaire, mais l'esprit qui les anime est radicalement différent. L'Europe des souverainistes fait confiance aux nations qui la composent et au monde qui l'entoure. L'Europe actuelle se méfie de tout, de ses propres peuples, des gouvernements et de l'environnement mondial où elle ne veut voir que désordre et chaos. J'entends bien l'objection qui sans doute se fait jour dans votre esprit. Quel est donc le moyen d'exécuter ce programme quand on a une union qui compte 25 États membres, bientôt 30, et qu'on fait profession de respecter la souveraineté de chacun? N'est-ce pas la quadrature du cercle? Ce l'est assurément pour les fédéralistes. Ce ne l'est pas pour les souverainistes. Si l'Europe des souverainistes a un avenir, c'est qu'elle n'a pas seulement des principes pour fonder son organisation, un projet pour donner sens à sa mission, mais aussi une méthode pour conduire son action. Cette méthode est aux antipodes de ce qu'on appelle la méthode communautaire. Celle-ci, de quelque déguisement qu'elle se couvre, consiste à légaliser la contrainte en la dissimulant. Le plus courant, par exemple, qui est le vote majoritaire, ne sert à rien d'autre qu'à établir la loi de la minorité. Je pourrais multiplier les exemples, la Banque Centrale Européenne et naturellement les coopérations renforcées, qu'il faudrait plutôt appeler l'intégration renforcée. La méthode souverainiste ne connaît ni ses machines à contraindre, ni ses tours de passe-passe. Elle est celle de la raison et de la liberté, c'est celle des géométries variables. Elle part de cette constatation de bon sens qu'il n'est juste ni raisonnable d'attendre de 25 ou 30 États, tous différents, qu'ils éprouvent le besoin et le désir de mener à tout instant et dans tous les domaines une politique uniforme. Je crois que c'est M. Valéry Giscard d'Estaing, vulcanologue et académicien, qui a énoncé le théorème selon lequel le degré d'intégration à un ensemble est inversement proportionnel au nombre de ses composantes. La liberté des échanges et l'union douanière peuvent se pratiquer avec un nombre quelconque d'États. Une politique étrangère ou une défense commune exige des partenaires partageant le même but et disposant de moyens comparables ou complémentaires. C'est précisément ce que permet la géométrie variable. Elle laisse les États libres de poursuivre entre eux des coopérations sectorielles avec les partenaires de leur choix sans jamais contraindre aucun d'entre eux. Quant aux institutions, elles peuvent se modeler chaque fois sur les nécessités et les caractéristiques du domaine considéré, au lieu de les coucher dans tous les cas sur le même lit de Procuste d'un cadre institutionnel immuable. Liberté et diversité feront plus pour l'efficacité que d'inapplicables disciplines ou des prétentions inconsidérées, je pense à cette politique étrangère et de sécurité commune, prétendument instituée par le traité de Maastricht, qui devait faire parler l'Europe à l'unisson. Aujourd'hui, le monde entier aura remarqué que quand l'Europe parle d'une seule voix, c'est pour ne rien dire. Il y a au moins un domaine dans lequel cette méthode de la géométrie variable dissipera une confusion funeste pour l'Europe. C'est celui des frontières de l'Europe que rend brûlant le cas de la Turquie. Elle évite en effet le tout ou rien de l'adhésion ou de l'exclusion auquel est condamnée l'Europe du traité constitutionnel. Pour elle, il n'y a de choix qu'entre les inconvénients. Ou bien elle rejette la Turquie et se brouille avec elle, ou bien elle l'accueille, mais elle se brouille avec elle-même. Une Europe de la géométrie variable échapperait à ce dilemme parce qu'elle ne se présente pas comme un bloc à prendre ou à laisser. Elle ouvrirait les portes de l'union douanière à la Turquie, pourvu seulement que celle-ci en assume les obligations. Elle remplirait ainsi l'engagement qu'elle avait pris en 1963, mais qui est le seul. La perspective d'adhésion formulée dans le traité d'association s'appliquerait à la communauté telle qu'elle existait, non à l'Europe des traités de Maastricht et Amsterdam, qui n'était pas née et dont personne n'avait la moindre idée. Pour le reste, ce serait cas par cas, selon les domaines considérés, que la décision serait à prendre par les États concernés d'étendre ou non le cercle de leur coopération à la Turquie. Cette extension varierait tout naturellement dans ses conditions et ses modalités, selon qu'il s'agirait de diplomatie ou de défense, de police ou de justice. Je ne puis cependant quitter ce sujet important sans ajouter qu'une Europe des souverainistes aurait à l'égard de la Turquie d'autres exigences que l'Europe du traité constitutionnel. Bien sûr, elle ne serait pas indifférente à la mesure dans laquelle la Turquie respecte les droits de la personne humaine. Mais elle serait intransigeante sur la façon dont elle respecte le droit international, c'est-à-dire le droit des nations. Elle n'accepterait pas d'ouvrir des négociations avec un pays qui se permet depuis 30 ans d'occuper militairement le territoire d'autrui et qui ne manifeste aucune intention de s'en retirer. Il se trouve au surplus que ce territoire occupé est aujourd'hui celui de l'Union européenne puisque Chypre en fait désormais partie. Une Europe de souverainistes ne laisserait pas piétiner la souveraineté d'un de ses États membres jusqu'au point d'interdire aux Chypriotes d'exercer leur droit d'établissement dans la partie nord de l'île, c'est-à-dire de les priver d'un des droits les plus fondamentaux de l'Union, et cela sur leur propre sol. Une Europe de souverainistes serait un peu moins prompte à abandonner ses propres principes et à se renier elle-même. Si on en est arrivé à un tel point de confusion, la question que je voudrais poser en terminant, c'est la question justement du reniement. L'Europe de Bruxelles se renie elle-même. Elle ne sait plus d'où elle vient, elle s'est coupée de ses racines. L'arbre s'est coupé de sa sève. Je me souviens d'un mot de Paul Valéry qui désignait l'Europe. J'appelle européenne toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise aux disciplines et à l'esprit des Grecs. Aujourd'hui, l'Europe, hélas, a tourné le dos à tous ses héritages, à commencer par l'héritage des Grecs, car l'Europe doit beaucoup à la pensée politique grecque, à une conception précise de la cité qui se comprend comme un territoire vivant au milieu d'autres cités, c'est-à-dire sans prétention à nul expansionnisme et se gardant de la démesure, l'oubris, l'extension infinie. Le refus de la démesure est une leçon capitale pour la sagesse des nations. Il est bien entendu un second héritage grec lié au premier, celui de la démocratie. Il est lié au premier parce que la démocratie ne peut se concevoir que dans un espace précisément délimité par des frontières. Et entre des citoyens qui partagent un nombre suffisant de valeurs, de références, d'intérêts matériels ou moraux. Héritage essentiel du démos, c'est-à-dire du peuple qui doit demeurer libre de fixer lui-même les règles qui le régissent. Comment ne pas voir aujourd'hui que la démesure supranationale complique sans cesse et finit par rendre impossible le libre exercice de la démocratie. Et ceci pour une raison simple. Pour que le citoyen soit associé à la défense d'un bien commun, il faut pour commencer qu'il puisse en débattre avec les autres citoyens, ce qui à tout le moins suppose une langue commune, condition qui n'est à l'évidence pas réunie dans l'Europe d'aujourd'hui. Le député européen que je suis en voit tous les jours l'illustration dans les débats du Parlement européen. Ces débats n'en sont pas, puisqu'à supposer qu'il dispose de traduction et que la traduction des concepts politiques fondamentaux soit possible, les députés ne débattent jamais entre eux, se bornant à lire des textes sans jamais répondre à leurs prédécesseurs et sans jamais que leurs successeurs ne leur répondent. On ne voit guère d'ailleurs, puisqu'il n'existe pas de peuple européen. Ce que pourrait être la pensée d'un bien commun, d'un intérêt européen supérieur, qui jamais n'entre dans les vues des uns ni des autres. Elle n'entre même pas dans les états d'esprit, comme on l'a vu aux Jeux Olympiques d'Athènes, où nul ne songea à comptabiliser les médailles européennes, mais où chacun au contraire faisait le compte des médailles remportées ou manquées par son propre pays. L'Europe des commissaires ne sera jamais un espace de débat, c'est-à-dire une démocratie à part entière. Pire, elle dissout les démocraties dans leur cadre national. L'Europe de Bruxelles a oublié Athènes. Et la voilà qui, tout à son dialogue avec Ankara, tourne le dos à Rome, à l'héritage romain. Rome qui fut d'abord une république dont l'un des points cardinaux fut la pensée de la frontière, le fameux limes. Parce que la frontière pour les Romains est la condition de la loi. On n'imagine point de loi qui soit universelle. Toute loi s'applique à un territoire nettement délimité, pas au-delà. Inutile de dire ici ce que nous devons tous au principe romain de la loi. Et puis il y a un troisième héritage, à l'évidence consubstantiel à l'esprit européen, ce qu'on appelle les racines chrétiennes. Les principes politiques tirés du christianisme sont simples. D'abord le respect de la personne humaine. Ensuite, cette modestie politique qui doit être celle de toute autorité bien consciente que, quoi qu'elle fasse et quoi qu'elle veuille, elle ne maîtrise qu'une petite part, une part infime de l'ordre du monde, un monde imparfait de toute façon et qui n'est pas son vrai royaume. Enfin, le refus de la puissance pour la puissance qu'illustra dans la Bible ce petit roi David qui jugeait qu'Israël ne devait accepter de puissance que celle qui était nécessaire au maintien de son indépendance. Tel est le visage du prince modéré qui est depuis des siècles, de régime en régime, la figure inspiratrice de la main de justice et qui répond au fameux « nisi potestas adeo ». Ces principes sont aux antipodes du gigantisme, avec ce super-État qui pointe à l'horizon, ce super-État qui aujourd'hui usurpe le beau mot d'Europe, ce super-État qui entend faire vivre sous l'empire des mêmes règles tous les peuples allant de l'Irlande jusqu'aux républiques turkmènes, en quelque sorte de l'Atlantique à l'Aral. Le refus d'inscrire dans le marbre de la Constitution européenne les racines chrétiennes, au moment même où Bruxelles prétend faire entrer la Turquie en Europe, ne relève pas seulement d'un exercice inouï de théophobie militante, avec comme visée secrète de nous faire accéder, je ne sais quelle parousie d'un laïcisme absolu, inconnu dans l'histoire des hommes. Il s'agit bien de changer la nature même du projet européen, de l'inscrire autrement dans l'histoire. Coïncidence curieuse. On ferme la porte à Dieu pour faciliter l'entrée d'Allah. Ainsi, c'est l'ensemble de nos héritages qui sont aujourd'hui niés par cette appellation d'Europe, mais qui est en réalité, derrière l'abus des mots, tout autre chose que l'Europe. Négation pure et simple de ses fondements, de sa nature composite, de sa tradition démocratique, de son exaltation de la loi et du droit. Ce qui est donc en jeu, sous la fameuse question européenne, c'est bien de savoir si l'Europe restera dans l'histoire ou sortira de l'histoire. Et puis il y a une autre question qui est de savoir si une France sans souveraineté peut elle-même survivre longtemps. Une France sans État, sans légitimité, sans politique. Il y a dans l'actuelle orientation fédérale de l'Europe une si grande hostilité envers les souverainetés nationales qu'elle finit par délégitimer l'État, c'est-à-dire l'idée même de l'autorité publique. Le pouvoir a de moins en moins le pouvoir. Sa légitimité, ce composé mystérieux mais décisif qui permet à un État d'être reconnu, accepté, obéi, est désormais concurrencé par une autre légitimité qui entre de plus en plus frontalement en concurrence avec la légitimité nationale. Les fondements de toute autorité sont aujourd'hui remis en cause par la mondialisation sauvage et ensuite par l'une de ses expressions les plus avancées, la construction européenne. Quelle qu'en soit la source, démocratique ou autre, un pouvoir ne saurait être doté d'une légitimité suffisante quand il ne correspond plus à un corps politique nettement défini aux yeux même des citoyens, quand les frontières du territoire sur lequel s'exerce sa souveraineté sont réputées évaporées, quand la conscience d'un bien commun sensable parmi la multitude d'intérêts catégoriels avec lesquels les détenteurs du pouvoir légitime négocient, pour ainsi dire, d'égal à égal. Comment être obéi dès lors qu'on n'incarne plus une autorité libre, supérieure à toute autre, gardienne d'une tradition multiséculaire et garante d'une autorité juste? Comment être entendu, écouté dès lors qu'on n'est plus maître chez soi? Plus grave, comment transmettre à l'école quelques rudiments de civisme si l'éducation se conçoit comme anationale, si la nation est reçue comme un obstacle à la fraternité cosmique? Ce qu'il fallut des siècles pour construire, il suffit d'une génération pour le défaire. Le cercle vertueux, souveraineté, légitimité, autorité, qui fut toute l'aventure de la construction au fil des siècles d'un État respecté, se retourne rapidement quand la seule base qui reste au pouvoir, l'élection, se corrode, à mesure que les citoyens, mesurant son impuissance, constatant que la plupart de ces décisions sont soumises à une instance supérieure qui ne contrôle pas, une décision de la Cour européenne de justice, une autorisation de Bruxelles, se détourne de lui et boude les urnes. Oui, c'est bien l'objet du souverainisme que de poser dans toute sa dialectique la question du pouvoir, c'est-à-dire des conditions de la souveraineté, de la légitimité et de l'autorité dans les sociétés modernes. Il est temps de faire prendre à l'Europe un nouveau virage historique. Privée de moteur, embarrassée par un élargissement à l'évidence mal préparé, déchirée par des conceptions diplomatiques décidément inconciliables que révéla au grand jour en 2003 ce que Pierre Hastner, pourtant si favorable à la création d'une Europe intégrée, appela, je cite, « le traumatisme sans doute irréversible de la crise irakienne », accrochée à l'espérance de voir adopter une constitution qui, selon la formule heureuse de Dominique Souchet, verse dans l'oubris fédéral, l'Europe glisse aujourd'hui, de l'aveu même des européistes les plus patentés, dans un désarroi profond. Depuis quelques mois, en effet, les souverainistes ne sont plus les seuls à dénoncer ce que Jean-Louis Bourlange a stigmatisé comme, je cite, « une usine à gaz dont plus personne ne sait ce qu'elle produit ». À entendre la complainte des cohortes d'euros déçus, c'est une vraie gourmandise pour un souverainiste que d'observer ce spectacle insolite, les cabris devenus chèvres, qui criaient « Europe, Europe, Europe » et qui aujourd'hui crient « Non, non, non ». Que se passe-t-il en effet? Nous sommes simplement sortis du XXe siècle, ce siècle qui fut obnubilé par l'idéologie du dépassement des nations. Quand il n'y a plus les nations, on s'expose irrémédiablement à subir le joug des empires, toujours accompagnés de leur cortège de frustration, de tension, et finalement toujours promis à l'effondrement. L'Europe que nous proposons me semble être la plus moderne, la plus complètement débarrassée des vieux rêves d'unité supranationale qui ont toujours reposé sur l'idéologie de la souveraineté limitée. Une Europe conforme à ce que l'on voit poindre depuis quelques années à la faveur de l'immense démultiplication des moyens modernes de communication, laquelle périme la logique des blocs, des grands ensembles, des vastes fédérations artificielles au bénéfice d'entités plus petites, ce qu'on observe aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine industriel, commercial ou culturel, quand on voit par exemple le Puy du Fou tenir la dragée haute à Disney. Nous sommes entrés avec le pouvoir égalisateur non seulement de l'atome mais aussi du microprocesseur et de la puce dans un monde radicalement nouveau, marqué par la combinaison contradictoire de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant. Comme le résume Georges Berthu dans son ouvrage « L'Europe sans les peuples », il n'y a pas il n'y a plus de rapport entre la masse et la puissance. Ceci vaut pour les entreprises, pour les nations et pour toutes les organisations humaines. Le grand défi d'aujourd'hui peut ainsi se résumer. Faire en sorte que l'Europe reste dans la suite des temps, ce qu'elle est depuis des millénaires, l'un des centres du monde les plus actifs, les plus créatifs, les plus soucieux du principe de civilisation. Je crois en l'Europe et je voudrais que le débat qui s'ouvre aujourd'hui dans notre pays débouche sur une grande initiative en faveur de l'Europe des réalités, c'est-à-dire l'Europe des États. Je ne vois pas de meilleur moyen de sortir des impasses actuelles que de proposer à nos partenaires un nouveau traité fondateur de l'Europe nouvelle, fondé sur les principes que j'ai esquissés devant vous et conforme au génie ancestral de l'Europe. Mesdames et messieurs les académiciens, je voudrais insister pour conclure sur l'ampleur du champ théorique que couvre aujourd'hui le souverainisme, qui s'apprête à livrer sa première bataille sur le champ européen, mais dont l'ambition est beaucoup plus vaste, en ce qu'elle consiste à renverser les principes politiques qui ont dominé les 30 dernières années, ce qu'on pourrait appeler la génération 68, pour redéfinir en des termes neufs la politique de la France dans ce qu'elle a de plus classique. Que le souverainisme soit encore mal compris, je n'en disconviens pas. Mais le mot a fini par passer dans le langage courant, au point de désigner, bien mieux que ne le fait la nébuleuse des anti-mondialisations, tous ceux qui refusent la dissolution de toute volonté politique. Le mot souverainisme progresse dans le vocabulaire, au point de désigner, bien mieux que les alter-mondialistes, qui sont aussi des mondialistes, ceux qui s'opposent à la dissolution, à la dilution et même la dissolution du politique. Or, rien n'est plus précieux dans le combat politique que d'imposer ces mots, et du moins savoir se nommer soi-même. Oui, le mot « progresse », voici qu'il entre aujourd'hui pour la première fois en ce lieu où les mots sont souverains. C'est déjà un premier succès prometteur. Je suis souverainiste, attaché à la souveraineté nationale et populaire, sans laquelle il n'est plus de démocratie. Je suis souverainiste. Je n'accepte plus d'être livré aux forces du monde qui viennent briser un à un mes attachements vitaux. Je suis souverainiste et européen. L'Europe des souverainistes existe. Elle a un passé et elle aura un avenir. Elle n'a pas à rougir de l'un ni à avoir peur de l'autre. Avec des principes éprouvés au feu de l'expérience, un projet susceptible de se décliner dans de multiples directions et une méthode à la fois souple et pratique. Elle est en mesure d'affronter les défis du siècle qui commence, aussi bien qu'elle a relevé ceux du siècle qui a fini. La fameuse et si commode formule selon laquelle il n'y a pas d'alternative à l'Europe qui se fait sous nos yeux, cette formule est fausse. Il y a une alternative crédible, c'est celle de l'Europe des souverainistes. C'est même la seule qui offre une vraie solution de rechange à l'Europe des eurocrates et un authentique espoir d'échapper à l'impasse dans laquelle la construction européenne s'est enfermé depuis Maastricht. Plus le temps passe et plus on découvre que le vrai débat européen est entre ces deux Europes. C'est en vain qu'on cherche à brouiller les pistes et à inventer de faux compromis comme cette fédération d'États-nations au parfum oxymorique qui n'est rien d'autre que l'aveu d'une insoluble contradiction. Entre des logiques incompatibles, tôt ou tard, il faudra choisir. Il n'y a pas de moyen terme. C'est ce choix décisif que d'ici un an, les Français vont se voir proposer. À travers le projet de constitution qui leur est soumis, ils auront à décider s'ils veulent faire l'Europe des souverainetés nationales ou laisser faire l'Europe des déchéances nationales. Selon leur réponse, la France se condamnera à n'être plus qu'une expression de la géographie ou au contraire, espérer rester un acteur de l'histoire. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, l'Académie des sciences morales et politiques avec Philippe de Villiers. Une émission de Guillaume Rialan, Daniel Finot, Christine Goémé. Canetti liebt es, vorzutragen. Im Alleingang liest er ein ganzes vielschichtiges Drama vor. Ein Auszug aus der Komödie der Eitelkeit, dieser Satire auf menschliches Machtstreben und menschliche Pour sa dernière Eitelkeit. Semaine thématique de l'été, France Culture vous invite à redécouvrir un génie de l'Europe à l'occasion du centenaire de sa naissance, Elias Canetti. Diese Attribute der Eitelkeit. Né en Bulgarie en 1905, d'origine judéo-espagnole, il étudie à Vienne avant d'émigrer à Londres. Plurilinguiste, l'allemand sera la langue de l'écrivain Canetti, couronné par le prix Nobel de littérature en 1981. Je crois que tous ces événements d'ordre collectif dynamique ont une importance capitale pour ma vie. Et j'ai toujours essayé de comprendre ce phénomène de masse. Elias Canetti à travers trois rendez-vous quotidiens. À 9h05, retrouvons-le dans des entretiens d'archives inédits, en français, en anglais, en allemand, multidiffusés à 17h. 14h30, le débat autour de son œuvre, romans, théâtre, essais. Enfin, à 22h30, les documentaires, Échappée belle à ses côtés à Paris, Vienne ou Marrakech. Elias Canetti, un Nobel Atlantide, sur France Culture, du 22 au 26 août. Cet été, sur France Culture. Ouvrant les armoires, les lettres, les tiroirs secrets, peut-on faire table rase du passé? La psychogénéalogie, petite dernière des sciences humaines, laisse clairement entendre le contraire. Chaque samedi, cet été, partons explorer la mémoire familiale. Quelle empreinte laisser en soi? Quelle part d'ombre? Quel héritage? Quelle clé? La psychogénéalogie, enquête dans le monde du transgénérationnel, chaque samedi, du 30 juillet au 27 août à 14h. En multidiffusion, dimanche à 7h. Chaque soir, dans son émission Grande Légende de la Pensée, Henri Pénard-Ruiz, philosophe et écrivain, explore les métaphores et images constitutives de la pensée occidentale que nous utilisons couramment sans nous interroger sur leur origine. Le feu de Prométhée, la balance de Zeus, la chute d'Icare, l'aveuglement d'Œdipe, l'hésitation de César avant de franchir le Rubicon, le nez de Cléopâtre, maîtresse de l'empereur de Rome. Il montre comment la philosophie se nourrit du sensible, la raison puisant ses forces dans l'image. Retrouvez les conversations radiophoniques d'Henri Pénard-Ruiz dans son ouvrage « Grande légende de la pensée ». Simple et ludique, c'est un livre d'initiation qui donne les repères essentiels pour aider à la réflexion sur les choses de la vie. « Grande légende de la pensée », un livre d'Henri Pénard-Ruiz, une coédition France Culture. Se dispute à l'infini. Ces hectares de pierre où enfants dansaient, vieux trésors, herbe folle et opaline. Sous des chapes de Moleskine, nos folies sous cloche, sommes-nous plus sages, plus dociles? cet été sur France Culture. Si on suit le cheminement des opérations, on part des autorités allemandes qui prennent la décision et qui souvent, à la clé de cette décision, fournissent les listes. Le bureau des affaires juives... Là, peut-être, Maurice Papon, vous qui n'aimez pas que l'on généralise, généralisez-vous peut-être un peu. Dans ce qui est le problème de la fourniture des listes, je crois que nous aurons l'occasion de voir les choses peut-être plus en détail et de façon plus resserrée. Certainement. 8 octobre 1997, 2 avril 1998, devant la cour d'assises de Bordeaux, se tient le procès de Maurice Papon, premier fonctionnaire jugé pour crime contre l'humanité. Rien ne se passe en ce qui concerne les affaires juives qu'ils me mettent au courant. France Culture revient sur ses 95 jours d'audience, 25 émissions pour en restituer, au plus près, la densité, la complexité, en proposant des éclairages historiques, juridiques et journalistiques. Si on appelle opérationnel... Mais bon, là, il faut s'entendre sur les le termes. Le fait d'observer et de négocier, oui, alors là... Mais ça, c'était notre part d'initiative. Non. On pouvait ne pas s'en préoccuper, ce qui était le cas antérieurement, comme le disent les experts. Le procès Papon, du 25 juillet au 26 août, de lundi à vendredi, à 11h. Jadis, ouvrant mes bras comme une paire d'ailes, je montais jusqu'au ciel pour suivre l'hirondelle et me rompais les os en souvenir de vous. Le complexe d'Icare à présent m'abandonne. L'hirondelle en partant ne sera plus mon sort. Cultivons le plaisir, cet été, le monde revisité à la lumière de ses mythes et légendes. Des ailes de la pensée déjouaient le piège du bel envol. De l'envol d'Icare à la chouette de Minerve, en passant par le filtre d'amour de Tristan et Iseut, notre culture racontait autrement les grandes légendes de la pensée, le roman du monde à feuilleter chaque jour de la semaine à 21h40. Déjà cet oubli est mortel. Le soleil détruit l'artifice. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, dans quelques instants, quartier d'été, informations, chroniques, enjeux internationaux et revues de presse avec un invité pour accompagner l'actualité. 8h30 à Voix Nue, pourrait découvrir cette semaine des entretiens avec Sylviane Agazinski, élève de Gilles Deleuze au milieu des années 60 à Lyon, membre actif du groupe de recherche sur l'enseignement philosophique dans les années 70, proche des philosophes de la déconstruction, Derrida, Nancy, Sarah Kaufman, Lacoula Barthes. Sylviane Agazinski enseigne désormais à l'école des hautes études en sciences sociales, portrait et parcours d'une femme et d'une philosophe déterminée. 9h05, France Culture ouvre ses archives. Elias Canetti, un Nobel Atlantide, redécouverte d'un génie de l'Europe à l'occasion du centenaire de sa naissance. Ce matin, nous écouterons la suite de l'entretien inédit accordé en français à son petit cousin, le journaliste et éditeur Raphaël Sorin, en 1977. 10h, affinités électives, aujourd'hui Jean-Christophe Bailly, rencontre avec l'écrivain qui enseigne également à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage à Blois. 11h, le procès Papon à suivre chaque jour jusqu'à vendredi avec des extraits d'audience et la participation d'historiens, de journalistes et de juristes pour nous éclairer. Mais tout de suite, retrouvons Ali Badou. Bonjour à tous et bon réveil. Il est 6h59 ce mercredi 24 août. Bienvenue sur France Culture. Au programme des quartiers d'été ce matin, on ira en Slovaquie avec le coup de fil à l'Europe. Daniel Cohen nous parlera de la fonction publique et on retrouvera Thierry Garcin pour ses enjeux internationaux. Et puis après la revue de presse et la chronique internet, une deuxième séquence consacrée à la littérature. Dans cette émission, la rentrée littéraire a commencé. Un nombre considérable de romans et d'essais arrivent comme chaque année en librairie. Impossible de tout lire évidemment. Et pour vous y repérer, France Culture et le magazine Télérama vous proposent une sélection de 10 romans français et 10 étrangers. Jusqu'à vendredi, quelques-uns des auteurs de cette liste viendront nous faire découvrir leurs ouvrages et on commencera cette série d'émissions spéciales à 8h20 avec notre invité Mathieu Riboulet. Il publie ces jours-ci Le Corps des Anges aux éditions Gallimard. Vous écoutez France Culture, il est tout juste 7h. Et le premier journal de la matinée nous est présenté par Hervé Gardette. Bonjour Hervé. Bonjour. Il faut bien parler de série noire en ce mois d'août pour l'aviation civile. Nouvel accident, un Boeing au Pérou s'écrase dans la partie amazonienne du pays. Une centaine de personnes à bord. Il y aurait 52 survivants selon le porte-parole de la compagnie. Le crash s'est produit alors que l'appareil était pris dans une violente tempête. Davantage de précisions dans le journal de 8 heures. Il s'agit du cinquième accident important depuis le début du mois. Aujourd'hui, à Fort-de-France, c'est l'hommage national aux victimes du 16 août dernier, les 152 Martiniquais qui revenaient d'un séjour au Panama. Cérémonie en présence de Jacques Chirac et du président vénézuélien Hugo Chavez, puisque l'avion colombien s'est écrasé au Venezuela. Sur place, Vanessa Decoro. La Martinique tout entière sera plongée dans le recueillement. Les bâtiments publics seront fermés sur ordre du préfet. Les drapeaux mis en berne, les commerçants baisseront leurs rideaux et de nombreuses entreprises privées accordent cette journée aux salariés qui souhaitent communier avec les familles. Les proches des disparus arriveront vers 7h45 heure locale au stade de Dillon. Elles seront accueillies par Jacques Chirac qui restera plus d'une heure et demie à leur côté, sans témoins, sans caméra. Ensuite, elles se dirigeront vers le stade et prendront place sur la pelouse. Il y aura d'abord les hommages religieux, le dépôt des bouquets et une procession de 160 enfants qui déposeront autant de bougies, 160 parce que la mairie de Fort-de-France a voulu associer à cet hommage les victimes colombiennes, les 8 membres d'équipage. À la fin de la cérémonie, le public pourra à son tour se recueillir devant la stèle tout juste construite. Le stade sera ouvert jour et nuit jusqu'à lundi matin pour que tous les Martiniquais qui le souhaitent saluent la mémoire des leurs. Et en métropole, les drapeaux sont mis en berne aujourd'hui. Une cérémonie est aussi prévue à Notre-Dame, à Paris. Puis concernant l'enquête sur le crash, l'aviation civile panaméenne affirme que l'appareil avait fait le plein de carburant. Jusqu'ici, une des hypothèses avancées était la panne de kérosène.